un, check, un. Que j'ai tout pour éviter que la faucheuse me prenne de court. J'ai un couteau en main, j'ai la rose dans le dos. Que les fils de putain là juste pour les sous dans le Banks. J'traîne, bloc dans le siècle, j'roule un perse, retire pour oublier la tour. J'ai des millions d'euros pour des milliards de regrets. Pour gagner ma vie, j'ai dû perdre des refrains. Tellement de cas dans le coffre à bijoux, j'ai des dizaines de loyers au poignet, je brille. J'suis dans l'embarras, je prends la 12 ou un cognac et Nessie de 12 ans de pays. J'ai changé, devenu méchant. J'suis le sixième élément de Luc Besson. J'embrasse le béton, mon amour est de pierre. J'arrache mes paupières pour voir la lumière dans le brosson. Dems. Non, non.